Lettre 52e, Agathoclès à Phocion, Nisibis, octobre 302. Je suis à Nisibis et j'habite la même maison où je demeurais il y a un an avec Démétrius. César a choisi cette ville, la plus éloignée de la Perse, pour y traiter de la paix que Narsèce demande et sollicite depuis notre dernière victoire. Constantin, fils du César d'Occident, représente son père et n'oserait pas être absent. J'ai suivi mon prince et mon ami parce qu'ils le désiraient, mais non pas sans effort. Je tremblais de revoir une ville qui sera pour moi un souvenir éternel de douleur. Lorsque Constantin me fit la proposition de l'accompagner, une voix intérieure me dit de ne pas y consentir. Mais il m'en coûtait aussi de lui refuser cette preuve de mon amitié. Je me reposais sur le pouvoir du temps qui affaiblit toutes les impressions, sur les distractions qui m'attendaient, et enfin sur la force de mon cœur. C'était une folie et une témérité. Lorsque de loin j'aperçus ces murs où j'avais passé des heures si délicieuses et en même temps si cruelles, le souvenir du passé se retraça avec une force étonnante et depuis lors aucune distraction, aucune occupation ne peut affaiblir le sentiment amer de ce que j'ai perdu. Constantin ignore ce qu'il a exigé de moi. Il serait peu délicat de lui en parler actuellement et de charger son cœur du poids de ma douleur. En général, il est aussi inutile qu'injuste de tourmenter par le récit de ses malheurs ceux qui n'en sont point la cause et qui ne peuvent nous rendre ni notre tranquillité ni le bien que nous avons perdu. C'est ainsi que je cherche à gagner quelque empire sur moi-même et que j'espère que par un usage continuel de la force, de la volonté, il en résultera enfin un avantage réel pour moi qui contribuera à me consoler. Il est singulier, Phocion, comme certaines impressions s'effacent difficilement, tandis que d'autres durent à peine le temps de leur existence. Il est encore plus singulier et bien malheureux pour nous pauvres humains que les impressions durables soient ordinairement d'une nature triste et que celles qui pourraient nous égayer et nous réjouir s'envolent avec la rapidité de l'éclair sans laisser à peine de traces. Pourquoi l'esprit de l'homme se tient-il enchaîné aux sentiments pénibles et oublie-t-il si vite ce qui lui a causé du plaisir? Cela n'est pas bien et nous entraîne à l'ingratitude envers la divinité et envers nos semblables. C'est ce qui excite l'homme violent à la vengeance, qui est pour lui la passion la plus forte et la plus indomptable. Quant à moi, mes souvenirs sont si vifs qu'il n'y a aucun terme entre les temps heureux du passé et mon malheur actuel. Tout autour de moi existe comme auparavant. Deux êtres seuls ont disparu. La perte de l'un pouvait me conduire au bonheur, quoique jamais je ne l'ai désiré. La perte de l'autre m'a condamné à un malheur sans fin. Jamais, non, jamais, je n'oublierai Larissa. Et ce n'est ni une fausse opinion, ni une imagination égarée qui nourrit ce douloureux souvenir. C'est qu'il se joint à l'idée de toutes les vertus sous une forme angélique. Cela m'explique pourquoi les souvenirs agréables de mon dernier séjour à Nicomédie et de tout ce qui s'y est passé se sont évanouis. Il devait cependant faire un point bien prononcé dans ma vie. Lorsque je cherche à me les rappeler pour me distraire de mes plus amères pensées, la seule ombre qui y soit répondue, la vanité et la coquetterie de la personne qui joua le premier rôle, et qui est d'ailleurs si aimable, se mettent au devant du tableau et l'obscurcissent entièrement. Les couleurs si brillantes pâlissent, s'effacent. L'image de l'ami que je pleure, si différente de Calpurnie, se présente à moi, et le trait s'enfonce encore plus avant dans mon cœur. Mais que fais-je? J'oublie que je me vantais, il n'y a qu'un instant, de mon courage. Excuse si, en t'écrivant, mon sentiment m'entraîne quelquefois en dépit de mes résolutions. Je reconnais l'inutilité et la fatigue de mes plaintes éternelles, et c'est ma ferme volonté de n'en plus faire entendre. Mais toi, qui connais le cœur que tu as pris peine à former, tu sais combien il a besoin de patience, d'indulgence et d'amitié. Toi, qui m'en accordas si souvent, continue tes tendres soins à ton élève et vois avec bonté le trouble que des regrets trop vifs excitent dans mon âme. L'amitié du prince Constantin est un grand dédommagement. Les liens qui m'attachent à lui prennent chaque jour plus de force. Il est chrétien, comme tu sais, et continuellement entouré de gens de sa religion qui le regardent comme un point de réunion. Je vais avec lui au culte divin, et je trouve toujours plus de motifs pour me confirmer dans la bonne opinion que j'ai de cette doctrine. Je ne puis encore être admis au mystère de leur grande fête. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens doivent alors se retirer. Le culte dont je suis témoin consiste en chants, en prières, en lecture de l'Évangile, vie de leur ancien maître, et dans un discours analogue au sujet. Que de fois j'ai éprouvé dans mon âme un feu ardent, lorsque tu me lisais des discours de Cicéron, d'Hortensius, de Démosthène. Je croyais les entendre en personne. Je voyais alors les Kyrites assemblés. Je voyais l'orateur devant le rostrum, animé de l'amour de la patrie, exprimer ses nobles pensées avec feu, avec éloquence, discuter les grands objets d'où résulte le bonheur ou le malheur des nations. Je voyais la multitude attentive à ses paroles, l'orateur animé par sa propre émotion, la faisant partager à cette foule qui mêlait tantôt ses larmes à celles qu'il ne pouvait retenir. Ce talent me paraissait le plus beau, le plus respectable de tous, et le pouvoir de la persuasion me semblait une émanation directe de la divinité, puisque par la persuasion tout un peuple était entraîné dans les mêmes idées. C'est cette force de raisonnement, c'est le talent de la parole qui place l'homme au-dessus de la brute, c'est là ce qui constitue la perfectibilité et ses plus beaux droits. Telles furent les paroles qui coulaient des lèvres d'Hermès. Mais sa bouche est muette, et ses anciennes assemblées d'un peuple respectable et fort de lui-même ont cessé avec l'éloquence d'Hermès. Des sophistes, des gens de loi, abusent encore quelquefois de l'antique vénération que les orateurs d'autrefois inspiraient. Ils profanent la tribune où des voix immortelles se sont fait entendre jadis pour atteindre, devant un indigne auditoire, un but qui ne l'est pas moins. Mais c'est dans les temples des chrétiens que cet art oratoire, qui avait si fort baissé, se relève dans toute sa pureté et dans toute sa force. Et quoique les sujets sur lesquels l'orateur s'exerce n'aient pas une influence aussi remarquable, et que la multitude qui les écoute ne soit pas une nation, cependant, ces discours ne sont pas moins dignes d'attention et sont d'une aussi grande utilité pour les auditeurs. J'ai entendu plusieurs de ces orateurs avec admiration et sensibilité, et je suis persuadé par l'expérience que les images que j'avais devant les yeux de l'art déclamatoire et de l'éloquence n'étaient point le rêve d'un enfant exalté. Il existe incontestablement une force sympathique dans un discours plein de feu et de sentiments. Avant que les raisonnements nous soient exposés, nous sommes déjà convaincus par le regard, par l'expression de la physionomie et par le son doux et mélancolique de la voix. C'est un homme tout comme nous que nous entendons se réjouir, s'affliger, nous blâmer, nous gronder, nous ordonner, et nous lui en croyons le droit, et on l'écoute avec un saint respect comme si c'était un dieu. L'homme parle à l'homme et il en est écouté. Nous nous sentons élevés par un pouvoir surnaturel. Il nous entraîne et nous ne pouvons résister. Je suis convaincu que s'il m'était possible de te rendre témoin d'une telle assemblée, la majeure partie de ta répugnance pour le christianisme disparaîtrait. Or, comme il est de notre devoir de rechercher partout la vérité, et que tu aimes à ne négliger aucun de tes devoirs, s'il se trouve dans les environs d'Athènes un temple chrétien et un de leurs orateurs, je te prie, pour l'amour de moi, pour ma tranquillité, pour approcher de ma conviction, de visiter une de leurs assemblées. Écoute sans prévention le prédicateur, et mande-moi l'effet qui en sera résulté. Adieu, mon cher Phocion.